Section 58 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Zeina. La lecture, tome 6e, section 58. Victoire d'âme. Fragment du journal intime d'une femme. Par Georges Duruy. Deuxième partie. 7 novembre. Nous partons demain matin. J'ai voulu faire une dernière fois le tour de mon parc, emplir mes yeux de son image, afin de l'emporter toute vive avec moi. J'étais seule. Mon mari et ma fille étant restés au château pour terminer leurs préparatifs. J'ai suivi la grande avenue jusqu'au saut de loup. Chemin faisant, je repassais en moi-même l'histoire de ma vie intime. Durant ces derniers mois, je me disais que je venais d'être bien heureuse dans ce beau pays et je sentais que je l'aimais un peu plus encore, comme s'il y avait eu dans ce bonheur je ne sais quelle part de complicité des lieux qui lui ont servi de cadre. Et je pensais, hélas, vais-je retrouver à Paris ce que j'avais ici et pourrais-je garder mon mari tout à moi? N'y a-t-il pas là-bas 1000 ennemis cachés de mon repos et de ma félicité qui guettent Jacques? Qui n'attendent que notre retour pour me le reprendre. Paris m'épouvante. J'y rentre à contre-cœur, pleine d'appréhensions vagues et douloureuses, assiégée de pressentiments menaçants. Et c'est pourquoi je promène sur mon cher Grandval avant de le quitter. Le mélancolique regard que doivent tourner du côté de la terre les voyageurs qu'emportent un navire vers les mers lointaines où souffle la tempête. 9 novembre. C'est fait. Miss est partie. Blanche est au couvent. En apprenant qu'elle allait entrer aux oiseaux, ma pauvre enfant ne m'a dit qu'un mot, un seul. Oh maman! Ce mot, il y a 3 heures que je l'ai entendu, et je l'ai toujours sur le cœur. Le tendre reproche inexprimé qu'il contenait me poursuit, me torture. Oh, ma pauvre petite fille que je ne vais pas voir ce soir dans son lit blanc, qui ne viendra pas demain matin offrir à mes lèvres ses joues fraîches comme une fleur, qui sanglote peut-être en ce moment, qui se lamente et qui m'accuse. Mais pourquoi donc ai-je fait tout cela? Oui, pourquoi? Qui m'est forcé? Ah, je ne me reconnais plus. Il y a maintenant en moi quelque chose qui n'est plus moi. Je voudrais pleurer, je souffre, et il va falloir que je m'habille pour aller à l'opéra. Oui, dès ce soir. Et nous sommes de retour depuis 24 heures à peine, et je reviens du couvent où j'ai enfermé ma fille. Mais quoi? Il y a un ballet où la Fasolini danse. Jacques a décidé que nous irions, et je ne veux pas moi qu'il aille seul. 25 novembre. Nous allons dans le monde ou au théâtre tous les soirs. Je suis parfois tentée de demander un peu de répit à Jacques, car pour supporter sans lassitude un pareil régime, il faut les grâces d'État de la 20e année. Et il y a beau jour qu'elle est loin de moi. Sans doute, si je disais à mon mari combien ces sorties quotidiennes me fatiguent, il m'en épargnerait quelques-unes. Mais une sorte de fausse honte me retient. Je n'ose pas lui avouer que cette vie m'épuise et je feins pour lui être agréable, d'y prendre autant de plaisir qu'il en trouve lui-même. Il y a une chose qui me plairait bien plus. Que dis-je? Qui eût été ma joie, mon bonheur? J'avais fait un rêve bien cher, que je n'ai jamais avoué à personne. Il m'eût été doux d'avoir un enfant de Jacques. J'aurais aimé à souffrir, à m'exposer pour le lui donner, le regard de gratitude dont il n'eût pas pu, je pense, me refuser l'aumône, me payer au centuple des douleurs endurées et du péril affronté. Et puis, en vérité, je n'ose me le dire à moi-même, tant cette idée est folle. J'eusse été fière, oh, si fière. Il me semble que cette glorieuse fécondité me vengeait de ceux et de celles qui, déjà, je le devine, je le sens, vont disant que je suis une vieille femme. Cela me rajeunit. D'être mère, devenir père, lui mûrit, lui, sans doute. Et l'équilibre de nos âges se fut ainsi trouvé rétabli. Oh, ces jeunes femmes qui se penchent en souriant sur un berceau, d'où sortent deux petites mains tendues vers elles. Toutes les souffrances, toutes les tortures, tous les déchirements de ma chair, pour que je puisse montrer à mon mari deux petites mains comme celle-là. 20 novembre. Aujourd'hui, j'ai laissé échapper mon secret. J'ai confessé à Jacques que je mourais d'envie d'avoir un bébé. Il s'est mis à rire. Que ce rire m'a fait mal. 18 décembre. Est-ce donc sous l'empire de quelques pressentiments que je lui ai, l'autre jour, confié mon désir d'être mère? Je n'ose croire encore. Un tel bonheur serait trop grand. Et pourtant, si je ne me trompais pas, si cela était, oh, que je le vois le petit être, né de lui et de moi, que je le remette entre ses mains en lui disant « Tiens, prends, le voilà, celui que j'attendais, que mon cœur appelait tout bas. C'est moi qui te le donne, c'est moi qui l'ai fait. Et puis après, que je meure s'il le faut. » 20 décembre. Béni soit Dieu. Je ne m'étais pas trompée. Jacques se moquait, me traitait de folle, mais je savais bien, moi. Le docteur dit qu'il n'y a plus de doute. C'est pour le mois de juillet. Juillet, le mois des beaux fruits, des blés dorés. Moi aussi, je donnerai ma moisson et ma fleur. 8 janvier 1887. Quel délicieux commencement d'année. Je ris, je pleure, je suis heureuse. Je me rappelle le temps où j'étais petite et où, la veille du 25 décembre, je mettais mon soulier dans la cheminée. Quel merveilleux cadeau m'a fait cette fois le bon petit Noël. À me sentir mère de nouveau, je redeviens enfant. Quel épanouissement divin de tout mon être. Il me semble que je dois marcher comme le saint dans un nimbe. C'est ma joie, c'est mon orgueil, c'est mon bonheur qui rayonne hors de moi. Il paraît que j'embellis. Tout à l'heure, Jacques m'a dit « Vous êtes étonnante, ma chère. Votre état vous sied à merveille. Je ne vous y avais pas vue aussi en beauté depuis 2 ans. » Et il m'a jeté un de ses regards courts et brûlants. Comment ose-t-il encore me regarder ainsi? 2 ans, c'est vrai, j'oubliais. Et il donne possible que j'aie été autre chose que sa femme. Je rougis des pensées. Pourquoi m'a-t-il rappelé cela? Donc je ne veux plus, moi, me souvenir. Comme c'est peu généreux. Il ne comprend donc pas ce qui se passe en moi et que je voudrais n'avoir jamais commis une action coupable, me sentir une âme pure, immaculée, comme celle de la Vierge. Afin d'être plus digne du petit ange que je porte, s'il ne devine pas cela, c'est donc qu'il ne me respecte pas comme une épouse, que je reste pour lui ça, oh, l'affreux mot qui me brûle comme un fer rouge. Oui, c'est bien cela. Il faut que je m'y résigne. Je ne suis pas, je ne serai jamais, sans doute, aux yeux de mon mari, la femme sacrée entre toutes les femmes. Et certes, je croyais mériter de l'être, maintenant surtout que l'auguste maternité m'a touchée. 9 janvier. 2 ans, a-t-il dit hier. C'est bien long, pour un homme comme lui, de rester 2 ans fidèle. 20 janvier. Ces sorties du soir me fatiguaient trop. J'ai renoncé. Je n'ai plus le droit maintenant de me fatiguer. Je me dois tout entière, corps, âme, santé. Toute dépense inutile de moi-même est un larcin que je fais à quelqu'un d'exigeant qui veut que je ne vive plus que pour lui, sauf pour aller voir ma fille au couvent. Je ne me mets plus guère le pied dehors. Jacques m'a dit « C'est absurde de vous cloîtrer ainsi. Vous devez périr d'ennui. » À demeurer seule pendant des heures. Il croit que je suis seule. Au lieu de me plaindre et de me gronder, pourquoi ne reste-t-il pas un peu à la maison? C'est ma faute aussi. Il y a 3 semaines, à peu près, mon mari a voulu faire l'effort, passer une soirée auprès de moi. À 10 heures, il avait l'air de s'ennuyer, si profondément que je lui ai conseillé moi-même d'aller fumer un cigare au cercle. Cela n'était pas bien dangereux, puisqu'il ne touche plus à une carte. Ce soir-là, il est entré à minuit, mais le lendemain, il est sorti plus tôt est revenu plus tard. Maintenant, il me quitte aussitôt après dîner. Je reste sur ma chaise longue à tricoter des petites brassières de laine blanche que j'orne d'une profusion de nœuds bleus, car c'est un fils, je le sens bien. Et pendant ce temps-là, mon mari, le père, promène, je ne sais où, le gardinat qui fleurit la boutonnière de son habit. J'ai eu tort de lui laisser prendre l'habitude de sortir ainsi, sans moi. Mais quand je lui ai proposé de le faire, pouvais-je croire qu'il aurait la cruauté d'accepter? 2 février. Sans doute, il est heureux que Blanche soit au couvent. Sa présence à la maison en ce moment me gênerait. Je suis presque intimidée devant elle quand je vais la voir aux oiseaux. J'ai des envies. Tantôt de baisser les yeux sous son regard, tantôt de la prendre dans mes bras, de l'embrasser avec frénésie, comme si j'avais quelque chose à me faire pardonner par cet enfant. Je m'interroge, je me consulte avec une sorte d'anxiété, afin de savoir si l'amour que je sens déjà pour l'autre, pour celui qui n'est pas encore, ne grandit point aux dépens de la tendresse que j'ai pour Blanche. Non, va ma fille, je ne t'ai rien volé. J'ai le cœur assez large pour vous deux. 6 février. J'aurais pourtant besoin qu'on me tînt un peu compagnie. Je ne vais pas bien. Je suis nerveuse, agitée, inquiète. Je ne sais ce que fait Jacques. Je ne le vois plus qu'au moment des repas. Et cela me tue. Ce n'est plus à mon enfant. C'est à lui que je pense durant les longues heures de ma réclusion solitaire. Je me dis, où est-il à présent? À qui parle-t-il? Quelle femme regarde-t-il? Je ne puis pas m'endormir avant que je l'aie entendu rentrer. Et à quelle heure rentre-t-il maintenant? Le matin, tandis que je dors d'un sommeil lourd, hanté de rêves, il va se promener à cheval au bois, ou bien jouer à la pomme, et puis prendre sa douche, et revient vers 11 heures. Nous nous mettons à table, il mange comme un loup, des viandes rôties, sans pain ni légumes, car mon mari prend soin de la sveltesse de sa taille. Tandis que moi, je n'ose plus seulement porter un corset. D'ailleurs, je n'en ai plus de taille. Et je m'en moque. Tandis qu'il déjeune en lisant son journal, le teint frais reposé, l'air content de vivre, moi qui n'ai pas faim, bien que je dusse avoir de l'appétit pour 2. Je le contemple. Il me fait l'effet d'un bel animal souple, puissant et cruel, d'un félin. J'en ai vu qui avait ses dents blanches, inégales et pointues, ses yeux clairs. Il a tant de force dans la mâchoire que les muscles qui la meuvent soulèvent quand il mange la peau de ses tombes. C'est un homme de proie. Je lui adresse 1000 questions sur l'emploi de sa soirée de la veille. Je tâche de le mettre en défaut, de me prouver à moi-même qu'il me cache quelque chose. Il me répond avec une imperturbable assurance. Et je plonge mes yeux dans ses yeux. Je lui dis que je souffre, que je sens qu'il doit me tromper. Il sourit, il proteste, il jure que non. Mais que m'importent ses serments? Son regard est plein d'adultère. 10 février. Je n'y pouvais plus tenir. Malgré la défense du docteur qui n'est pas content de moi et qui me répète sans cesse qu'il faut me ménager beaucoup. Si je veux conduire sans accident cette laborieuse grossesse jusqu'à terre. J'ai recommencé à sortir le soir. Il s'agit bien de ma santé vraiment. Quand la paix et la dignité de mon ménage, quand le bonheur de ma vie est en jeu. J'accompagne Jacques de nouveau dans le monde. J'observe l'attitude, l'air qu'il prend avec toutes les femmes, la façon dont il les aborde et dont il les quitte, ses regards, sa voix, son geste. S'il a, comme je le soupçonne, quelques flirts en train, ou pis que cela, je le saurai bientôt. Savoir ces choses-là, c'est moins cruel, peut-être, que de les appréhender. 21 février. J'étais préparée à cette douleur. Elle n'en a pas moins retenti jusqu'au fond même de mon être. J'ai trouvé, à demi brûlée, dans la cheminée de Jacques, une lettre de femme. de fille, devrais-je dire, car j'ai pu lire ces mots, que la flamme dégoûtée, peut-être, n'avait pas touché. Apporte-moi 100 louis. Et c'est pour une créature de cette sorte qu'il me trompe. Je lui ai montré le bout de papier infâme, sans parler. Lui sais-je voulu, que je n'aurais pas pu. Une souffrance, son nom, m'étreignait à la gorge. Il a pâli, baissé la tête. Je voulais quitter la maison, aller cacher je ne sais où mon désespoir et ma honte, quand j'ai senti soudain quelque chose qui remuait dans mon flanc. C'était la première fois que le cher petit être bougeait. Pourquoi faut-il que ce soit le crime commis par celui qui l'a engendré, qui l'ait tiré de son sommeil? J'ai pris ce signe pour un avertissement venu d'en haut. Peut-être Dieu a-t-il voulu me faire entendre par là qu'en se rappelant à moi, qu'il oubliait, l'innocent me demandait de pardonner au coupable. J'ai cédé à cette sollicitation mystérieuse et ne suis point partie. Une immense lassitude m'accable. Tous les ressorts qui mettaient mes membres en mouvement sont brisés. Il me semble que l'on doit être ainsi quand on est mort. Une douleur aiguë vient de me sillonner comme un éclair. Je ne puis plus écrire. 19 mars. Il paraît, c'est le docteur qui l'affirme, que cette fausse couche m'a mise pendant 48 heures entre la vie et la mort. Je me demande pourquoi c'est du côté de la vie que finalement j'ai penché. S'il ne me restait ma fille, je n'aurais que faire d'être au monde maintenant. Je me demande aussi, tout lien entre Jacques et moi se trouvant brisé par la trahison dont j'ai été victime et par la disparition du pauvre cher petit être qui nous rattachait encore l'un à l'autre. Je me demande pourquoi je n'ai pas, dans l'intérêt même de ma dignité, pris le parti d'en venir à une séparation. Lâche cœur, ne serais-tu donc pas encore détaché de cet homme? 21 mars. Pendant que j'étais malade, nous n'avons pas échangé d'explications sur cette lettre, dont la découverte a eu pour contre-coup la terrible crise qui a failli m'emporter, il y a un mois. Et d'où je sors amaigrie, pâle, faible, vieille de 10 ans. Jacques m'a soignée avec un empressement où je ne puis m'empêcher de trouver, quelque indigné que je sois contre lui, la manifestation discrète d'un repentir dont je lui sais gré. Et tandis que je renais doucement à la vie, mon esprit se plonge en des méditations profondes. J'ai été si près de la mort que le goût m'est resté de penser à elle. Comme à un pays qui n'est pas tout à fait inconnu, qu'on a entrevu, et dont l'image flottante demeure dans votre esprit. Les marins, dont la tempête emporte le navire loin des routes suivies, doivent conserver ainsi le souvenir d'îles mystérieuses, vaguement aperçues, en passant dans la brume. Je lis le plus beau des livres, L'Imitation, comme celui qui l'a fait touche d'une main légère sur les pauvres âmes blessées. Comme il a dû aimer lui-même, pour savoir bercer ainsi les peines de cœur et tourner au profit de l'amour divin les déceptions de ces misérables amours humaines dont il me fait si bien comprendre le néant. Je lis lentement, pieusement, ce livre des livres et je sens que les bienfaisantes paroles se déposent comme un baume sur mon âme endolorie, qu'elle apaise ses mouvements tumultueux, qu'elle y insinue peu à peu, je ne sais quelle douceur secrète de résignation. Je sens aussi que j'ai vécu trop loin de Dieu, que je n'aimais pas assez, celui dont l'amour ne trompe pas. Je veux pratiquer désormais avec plus de ferveur. On me permet de sortir demain. J'irai porter un cierge à Notre-Dame des Victoires. 22 mars. Je voulais demander à la Sainte Vierge de me donner la persévérance dans le propos que j'ai formé de m'occuper avec plus de zèle de mon salut. Et c'est pour Jacques seulement que j'ai prié. J'ai supplié notre glorieuse mère d'éclairer des lumières de la religion l'âme païenne de mon mari. Je l'ai supplié aussi de ramener à moi le volage dont l'infidélité m'a percé le cœur. Et je m'aperçois bien, maintenant, que c'est là l'inestimable grâce que je désire surtout obtenir de son intercession. Est-ce donc encore un homme que je cherche, quand je crois chercher Dieu? Ma piété ne serait-elle que le masque de mon amour? Et dans ces grands élans de foi auxquels je m'abandonnais délicieusement, ne faut-il voir que le transport déguisé d'une passion que je croyais domptée par l'épreuve même qu'elle vient de subir et qui, pour ma honte, me posséderait encore tout entière? Qu'importe, après tout, quand la religion n'aurait que le mérite de vous donner l'illusion qu'on s'envole vers le ciel, alors que la terre vous tient toujours. Il faudrait la bénir. Quoi de plus bienfaisant, en somme, que cette duperie, si c'en est vraiment une, ce que je tiens pas à savoir. Les saintes elles-mêmes, et les grandes saintes, sainte Madeleine, sainte Thérèse, le savaient-elles et ont-elles cherché à s'en assurer? 23 mars. Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment ai-je pu répéter tant de fois ces paroles sans remarquer l'enseignement profond qu'elles contiennent? Oui, le ressentiment est impie, le pardon seul est grand saint, agréable à Dieu qui nous le prescrit envers autrui, par cela même qu'il le pratique à toute minute envers nous. D'ailleurs, la faute que Jacques a commise est-elle vraiment sans excuse? Peut-être n'y a-t-il eu là qu'un de ces entraînements passagers de sens que les hommes savent mal combattre. Le jour où le devoir leur donne, habitués qui sont à croire qu'un privilège de leur sexe les autorise à y céder sans remords. Mais ce n'est pas avec mon âme seule que j'aime mon mari. Et si la sienne n'a pas eu de part à l'infidélité, cela ne suffit pas pour empêcher ma chair trahie de crier. Ce qu'il faudrait savoir, c'est si j'ai le droit de reprocher à Jacques cette défaillance. Me suis-je donc toujours montré moi-même sans reproche et sans faiblesse? Qui sait si le malheur qui me frappe n'est point l'expiation qu'une justice équitable, dont les arrêts doivent me trouver humble et soumise, impose aujourd'hui à la femme oublieuse de son devoir que je me souviens avec horreur d'avoir été autrefois. 24 mars. Eh bien, m'a-t-il demandé en revenant du couvent, où il était allé dire à Blanche que je me sentais trop faible aujourd'hui pour aller la voir moi-même. Les forces reviennent-elles? Vous sentez-vous mieux? J'ai annoncé à votre fille que, pendant ses vacances de Pâques, je vous emmènerai toutes deux à Fontainebleau. 8 jours passés dans ce bon air achèveront de vous remettre sur pied. Cette sollicitude pour ma santé m'a touchée. Sans doute, devinant le sentiment de gratitude que j'éprouvais, il a jugé l'occasion favorable à l'explication que nous n'avions pas encore eue. Et brusquement, sans que j'eusse fait la moindre allusion au douloureux incident qui a bouleversé ma vie, car je ne suis pas de ces femmes qui récriminent ou qui se plaignent tout haut. J'ai la pudeur de mes souffrances intimes, comme de mes joies. Il s'est mis à me parler de cette lettre. Il a juré qu'elle lui avait été adressée par une personne autrefois connue de lui, mais qu'il ne voyait plus depuis 3 ans, et qui s'était autorisé du souvenir d'anciennes relations pour lui demander un service d'argent. Que ne m'a-t-il pas dit encore? Qu'il ne m'avait jamais trompée, ni me tromperait jamais, qu'il n'aimait que moi, moi seule, que j'étais sa joie, sa passion, qu'il m'adorait comme au premier jour. Et il m'a prise dans ses bras, avec tant de violence que cette étreinte m'a fait mal. Il a couvert de baisers brûlants mon visage. Il a bu les larmes qui coulaient le long de mes joues. J'avais fermé les yeux, afin de mieux savourer le son de cette voix si chère. Ces protestations de tendresse qui réconfortaient ma pauvre âme, abattue et meurtrie. Quelque chose en moi criait « Tu mens, tu mens. Tu mens. » Et quelque chose en même temps disait « Continue, que j'entende encore si serment, même si sans mensongère. Parle toujours. Quand je t'écoute, il me semble que je crois à tout ce qui sort de ta bouche adorée et traîtresse. » Lorsque, à demi pâmée, dans ses bras, brisé par l'émotion et aussi par la rudesse de ses baisers, pouvant à peine soutenir ma tête qui tombait en arrière. J'ai ouvert de nouveau les yeux, j'ai rencontré les siens qui me regardaient avec une expression de joie cruelle et de triomphe, comme doivent regarder ceux d'un lion quand il vient de saisir une proie et la tient pantelante sous sa griffe. Dieu, quel homme terrible est celui que j'aime! Et comment ferais-je pour échapper jamais à ses prises puissantes? Et maintenant, je sens qu'il m'a reconquise, toute, que je suis redevenue sa chose, la cire-molle qu'il pétrit à son gré dans ses doigts de fer. La créature misérable qui l'enivre et torture alternativement, selon que la fantaisie du moment lui suggère d'essayer sur elle ce qu'il peut pour se faire aimer, ou ce qu'il peut pour faire souffrir. Je ne sais plus s'il dit vrai ou s'il ment, s'il m'a trompé ou non, s'il m'aime encore, ou si je ne suis pour lui qu'un jouet. Que le caprice de ses sens prendra un jour et rejettera dédaigneusement le lendemain. Et je ne veux rien savoir, rien, rien. Qu'on me laisse douter et me dire tantôt que je suis la plus heureuse, tantôt que je suis la plus infortunée des femmes. Ce petit qu'on soit assez ennemi de son propre repos pour ne pas préférer l'incertitude si pénible qu'on la suppose à l'affreux supplice de connaître la vérité, quand cette vérité c'est l'irréparable. Qu'on ne laisse en paix. Je demande à ne plus penser, je voudrais dormir, et d'un sommeil sans rêve, longtemps, longtemps. 12 avril. Les vacances de Blanche sont commencées. Elle est arrivée à la maison avant-hier, après les offices du samedi saint. J'étais si heureuse de la revoir sous mon toit, de me dire que nous allions de nouveau, ma chère fille et moi, respirer pendant quelques jours le même air et causer ensemble. Et nous embrasser à notre aise, que j'avais rempli sa chambre de fleurs. Je me faisais par avance une joie de sa surprise, de ses cris d'admiration. Je n'ai eu qu'une déception. Elle, qui les aimait tant, les a regardés à peine et m'a remercié du bout des lèvres. J'avais aussi commandé pour elle une belle robe claire et un amour de chapeau, me disant que je ne serais pas peu fière de la conduire dans cette jolie toilette à la grande messe de Pâques. J'ai eu toutes les peines du monde à obtenir qu'elle quittait sa vilaine livrée sombre de couvent et cette horrible galette plate en paille noire qu'on leur met sur la tête. Je l'ai connue coquette pourtant, la chère mignonne. Eh mon Dieu, quand j'y pense, il n'y avait pas grand mal à cela. Comme ma fille s'est assagie depuis 6 mois. Vraiment. On obtient des résultats étonnants avec cette éducation de couvent. Voilà qu'elle n'aime plus les fleurs, ni la toilette maintenant. C'est admirable. 13 avril. Positivement, je ne reconnais plus Blanche. Sa conduite, sa tenue, son langage, son instruction, sa piété sont autant de sujets d'édification pour moi. Elle connaît le nom de la capitale du Beloutchistan et la date de la mort de Louis le Bègue. Elle possède des lumières que je lui envie sur le concile de Trente. Ne toupillonne plus du tout, ne toupillonne même plus assez à mon gré. Dans la maison qu'elle remplissait de ses cris, de ses rires, de ses galopades, et quand je lui demande si elle n'aurait pas envie de faire une partie de billard, son cher billard d'autrefois, se récuse d'un air qui me donne à penser que les bonnes sœurs ont dû lui dire qu'il se cache dans ce jeu quelque chose de diabolique. Je voulais une fille bien élevée, je l'ai. 14 avril. Je commence même à trouver que cela dépasse un peu la mesure, qu'elle est vraiment trop bien élevée. Assurément, je n'aimais guère les poignées de main garçonnières qu'elle donnait jadis à tout venant. Ses poignées de main à ongles droits, le coude levé au niveau de l'épaule. Mais je ne suis pas bien satisfaite non plus de la voir à présent tendre aux gens le bout de ses doigts avec le geste court et serré au corps d'un dévot offrant de l'eau bénite à la sortie de l'église. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire hier quand son cousin Pierre est venu la voir et qu'elle lui a donné ainsi la main. ne fais pas ta noune, je t'en prie. » Ma fille a paru fort scandalisée de ce propos. L'autre qui arrivait les bras tout grands ouverts pour l'embrasser a paru suffoquée de cet accueil. Quand on a joué ensemble à faire des culbutes sur les meules de foin, cela surprend un peu d'être reçu de la sorte par sa petite amie. Pierre est parti tout déconfit. Je le regrette, car c'est un brave garçon, un fort bon sujet qui fera son chemin. Et justement, quand je l'ai vu entrer hier avec son plumet rouge et blanc, ses galons de sergent-major, qu'il échangera dans 3 mois pour un galon de sous-lieutenant, je m'étais dit que plus tard, quand elle aurait l'âge... Oh, mais je suis folle d'avoir de ces idées-là. 15 avril. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est le changement qui s'est opéré dans le temps des rapports de Blanche avec son beau-père. Cette petite, si gamine, il y a 6 mois, avec lui, me confond maintenant par sa réserve. Elle a une façon modeste de baisser les yeux en lui parlant et de lui dire d'une voix sauve, « Mon père, comme à un confesseur qui ne me plaît qu'à moitié, j'aimais mieux son bon regard franc et hardi d'autrefois. Ce regard-là était limpide, comme de l'eau de source, tandis que je trouve dans celui d'aujourd'hui je ne sais quoi de prude et de sournois tout ensemble, qui me donne fort à penser. La parfaite innocence ne regarde pas ainsi. Jacques, qui cet été n'était à ses yeux qu'une manière du grand frère et de camarade, est devenu, j'en suis sûre, quelque chose d'autre pour elle. Mais cela est horrible à penser. Hélas, qui l'a voulu? Ah, malheureuse! Que je suis, je comprends tout maintenant. J'ai été jalouse, jalouse de Miss, jalouse de Blanche. C'est pour cela que j'ai chassé l'une, écarté l'autre. Et comme il fallait que je fusse punie de cette mauvaise action, voici que le couvent me renvoie. Au lieu de l'enfant ayant avec l'azur du ciel la pureté des anges dans les yeux, une jeune fille qui ne peut plus tendre, sans rougir un peu, le front aux lèvres de mon mari, parce qu'on lui a révélé que la pudeur des femmes se devait à l'armée du contact de l'homme. Et parce qu'elle sent maintenant que son beau-père est un homme. Oh, que je suis coupable, et quelle honte m'écrase. Voilà donc pourquoi je souffrais de l'avoir assise sur les genoux de Jacques, en sautant à son cou, la candide créature qu'elle était, et que par ma faute, elle n'est plus l'intérêt de son éducation, de son instruction. Mensonge et duperie. La vérité, c'est que j'ai obéi à la suggestion du plus vil, du plus bas de tous les instincts. J'ai été jalouse de ma fille, parce qu'elle était trop libre avec Jacques. Qui sait si je ne le suis pas encore aujourd'hui, parce que elle ne l'est plus assez. 22 avril. Je bénis l'inspiration qu'a eue mon mari de nous emmener à Fontainebleau. Je dois sans doute au séjour charmant que nous venons d'y faire, d'avoir retrouvé ma fille. La forêt commençait à mettre sa jolie robe verte de nouveau, sauf les chênes, qui portent plus longtemps que les autres arbres le grand deuil couleur de rouille pris par les bois en hiver. D'innombrables bourgeons, des myriades de brins d'herbe mêlés de quelques timides fleurettes, pointés de toutes parts, dressés vers la lumière, et l'on sentait comme une sourde fermentation de vie qui s'élaborait mystérieusement dans les entrailles de la terre, couvée par le soleil déjà chaud. Chaque jour, nous faisons une longue promenade, moi en voiture, car je suis bien faible encore, eux à cheval. Est-ce l'influence de l'exercice de la vie saine au grand air ou toute autre cause? Ma Blanche d'autrefois, ma rieuse et folle enfant, a peu à peu réapparu. Je l'ai vue avec une joie profonde, se détendre, s'épanouir, quitter ses petits airs pincés, redevenir elle-même enfin. Grâce à Dieu, le régime du couvent ne me l'a pas changé autant que je commençais à le craindre. Le soir où elle nous a quittés pour rentrer aux oiseaux, elle m'a demandé tout à coup, d'un petit air hypocritement détaché, « Dis donc, maman, sais-tu si Pierre servira dans les dragons ou dans les chasseurs ? Lorsqu'il sera officier, J'ai été stupéfaite. Que t'importe? Lui ai-je répondu. C'est que j'aime mieux les dragons, a-t-elle répliqué avec conviction. Elle aime mieux les dragons. Voyez-vous ça? Voilà donc pourquoi mademoiselle semblait si joyeuse à Fontainebleau et donnait tant de morceaux de sucre à sa jument. Oh, ces petites filles! 23 avril. Nous sommes revenus depuis 2 jours à Paris et le souvenir des heures délicieuses que j'ai passées là-bas ne me quitte plus. Comment dire de quel hommage ingénieux et sans cesse renouvelé Jacques m'a entouré pendant cette trop courte semaine. Quel autre saurait comme lui mettre quand il veut des caresses dans son regard, dans son sourire, dans le moindre de ses gestes, dans le charme des inflexions de sa voix. Et pourtant, je m'en souviens, il y a des jours où, quelques souffles de passion bouleversant, soudain cette âme, mobile comme les flots de la mer, j'ai découvert, sous les dehors aimables dont la violence de ses instincts se pare, d'effrayants dessous d'égoïsme et de dureté, de ces deux aspects contraires, quel est celui où se reflète le plus fidèlement le fond même de son être moral. Je devrais le savoir, puisque je suis sa femme, et je m'aperçois que je l'ignore. Ce qu'il y a d'essentiel en lui m'échappe, me fuit sans cesse. Cet homme qui est mon mari reste pour moi la plus inquiétante des énigmes. Ah, que son pouvoir sur moi serait donc moindre s'il ne me connaissait pas si bien, et si je le connaissais mieux. Mais tandis qu'il gardait avec un soin jaloux le secret de son être intime, je me suis livrée sans réserve. Et c'est pour cela qu'il est devenu mon maître, le plus impérieux des maîtres, alors même qu'il prend ses airs câlins et humbles dont il aime déguiser l'absolue domination qu'il exerce sur moi. Il me possède comme un virtuose son instrument. Je sens qu'il ne m'est plus possible de ne pas vibrer à son gré. Je romps avec la même docilité qu'un harpe les sons qu'il exige que je donne, triste ou joyeux. Si je viens d'être heureuse pendant ces quelques jours passés à la campagne, c'est qu'il l'a bien voulu. Et s'il lui plaît, par aventure, à présent que nous voici de retour à Paris. Que je cesse de l'être, qui pourrais-je faire, hélas, puisque cet homme est la source tantôt empoisonnée et tantôt bienfaisante, où ma pauvre âme puise toute souffrance et toute joie. Oui, mais... Oui, je comprends maintenant. C'était pour mieux me reprendre, mieux m'enlacer, mieux abolir en moi toute énergie, toute fierté, qu'il m'a emmenée à Fontainebleau pendant les vacances de Blanche. On isole ainsi les sujets qu'on veut magnétiser. Le fluide opère d'une façon plus efficace et plus prompte. Et quand il a été bien sûr de m'avoir replacée, tout entière sous son détestable empire, quand il m'a vue dupe de ses protestations menteuses, dupe de ma tendresse, dupe même de ma piété, qui a plaidé pour lui comme si ce n'était pas assez de ma lâche passion. Quand il m'a vue repentante de ce mouvement révolte que j'avais eu en apprenant sa trahison, quand il a cru que j'étais devenue vile au point d'être prête à pardonner de nouveau, à tolérer tout désormais, pourvu qu'il me fît, de temps en temps, l'aumône dédaigneuse d'un baiser. Alors me jugeant suffisamment assouplie et à jamais domptée, il m'a ramenée à Paris et a recommencé sa vie infernale d'autrefois. Il passe les nuits au cercle. Un mot de mon notaire me donne même à penser qu'il a dû faire ces jours-ci quelques grosses pertes. Ah, mon Dieu, qu'il joue, qu'il me ruine, s'il veut, mais qu'il ne me trompe pas. 15 mai. Il ne dîne même plus à la maison. Depuis le commencement de la semaine, on l'a rencontré 3 fois à Hippodrome. Quelques écuyères, sans doute, les gens qui m'ont dit cela, des femmes, des amis, m'observaient, cherchant à surprendre sur mon visage l'effet de la doucereuse et perfide révélation. J'ai souri. Je sais maintenant de quel air les martyrs chrétiens regardaient leurs bourreaux. 25 mai. Aujourd'hui, je me sentais en proie à une telle détresse que je suis entrée à l'église pour prier. C'était celle où l'on nous a mariés, il y a un an bientôt. Je me suis rappelé soudain cette hirondelle qui tournoyait dans la nef au-dessus de nos têtes, cherchant une issue. Prisonnière du mariage, le volage que j'ai pour époux a fait comme l'oiseau captif. J'ai beaucoup prié, beaucoup pleuré aussi. Et je suis rentrée chez moi un peu soulagée par cette prière et par ces larmes. Fin de la section 58.